Ayoudi. En Syrie, l'armée balaye l'équipe au pouvoir. Or, si la menace se précise, Israël sera entraîné. Eli Cohen, l'espion israélien qui, au début des années 1960, a réussi l'exploit de s'infiltrer en Syrie, le pays voisin d'Israël et son ennemi juré. Pendant 4 ans, se faisant passer pour un Syrien ayant longtemps vécu en exil, cet agent du Mossad, le service de renseignement israélien, a pénétré les milieux politico-militaires de Damas au point de devenir le conseiller principal du ministre de la Défense syrien. Mais en 1965, démasqué et arrêté chez lui alors qu'il transmettait des messages codés, Eli Cohen, alias Kamel Amin Tabes, sera torturé, condamné à mort et pendu en place publique à Damas. Objet longtemps d'une véritable haine en Syrie, qualifié de Satan sous forme humaine, Eli Cohen, qui inspirera la série Netflix The Spy, est en revanche toujours adoré comme un héros en Israël, où des rues, des places, des synagogues portent son nom. Un des héros les plus connus d'Israël s'appelait Kamal Amin Tabes, mais son vrai nom était Eli Cohen, notre plus grand espion. Nous commençons ce journal par une affaire très intéressante, une des pages les plus secrètes de l'histoire entre deux ennemis. Une affaire d'espionnage entre Israël et la Syrie, 50 ans après qu'un espion israélien ait été rendu à Damas. La fin tragique d'Eli Cohen, serviteur jusqu'au sacrifice de sa vie de la cause sioniste, a contribué à façonner sa légende. D'autant que depuis sa mort en 1965, son corps n'a jamais été rendu à sa famille, malgré les demandes répétées de l'État hébreu. Régulièrement dans l'actualité, la nouvelle d'une possible restitution de la dépouille du héros vient raviver le mythe. Nous commençons par une nouvelle exclusive du Moyen-Orient qui vient de tomber. Des précisions dans la recherche du corps du plus célèbre espion d'Israël, Eli Cohen. I-24 a confirmé qu'un objet ayant appartenu à Eli Cohen a été transféré par la Syrie à la Russie et que les recherches pour trouver son corps sont en cours. Pour l'État hébreu, le retour du corps d'Eli Cohen est une priorité. Pour preuve, la conférence de presse le 9 mars 2021 de Benjamin Netanyahou, alors président. Quand un journaliste lui demande s'il est vrai que des recherches sont en cours pour retrouver la dépouille d'Eli Cohen, il répond « C'est vrai. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis personnellement engagé pour que tous nos soldats tombés reviennent à la maison. Eli Cohen comme les autres. » Eli Cohen and everyone else. Une déclaration faite juste 2 semaines avant les élections. Nadia Cohen, la veuve d'Eli Cohen, accusera le gouvernement et le Mossad de s'intéresser tardivement à cette affaire et de l'instrumentaliser à des fins politiques. Mais Eli Cohen est aussi dans son pays le héros qui, bien après sa mort, a contribué à la victoire d'Israël lors de la guerre des 6 jours. C'était en juin 1967. Suite à la mobilisation des pays arabes, Israël lançait l'offensive et en moins d'une semaine réussissait, grâce notamment aux renseignements fournis par le Mossad, à anéantir les armées d'Égypte, de Syrie et de Jordanie. À la fin du conflit, Israël triple la superficie de son territoire. C'est un jour de victoire dans le quartier juif de Jérusalem. Le jour où les vainqueurs de la bataille pour la ville sainte sont de retour, sous les acclamations de leurs compatriotes. Lors de la guerre des 6 jours, grâce aux renseignements transmis par Eli Cohen concernant le Golan, l'armée israélienne s'est emparée de ce plateau hautement stratégique, situé à la frontière avec la Syrie et encore aujourd'hui occupé par Israël. La carrière d'Eli Cohen fut brève, à peine 5 ans, interrompue en plein vol alors qu'il avait atteint le sommet de l'État syrien. Il avait été recruté en 1960 par le renseignement israélien qui manquait alors cruellement de Katsa, des agents capables de s'infiltrer dans des pays arabes ennemis d'Israël, l'Égypte, la Jordanie ou la Syrie, et d'y vivre comme illégaux en se faisant passer pour arabes. Eli Cohen, par son physique, ses origines, son expérience et sa foi sioniste, était sans doute le meilleur candidat pour une mission aussi dangereuse. Cohen est né en 1924 à Alexandrie, en Égypte, d'une famille juive pauvre. Son père, originaire de Syrie, est marchand de cravates. C'est l'époque où communautés musulmanes, juives et chrétiennes d'Égypte vivent dans une relative harmonie. Celle où la chanteuse Leila Mourad, égyptienne juive, est une star au Caire. Eli Cohen est à l'image de cette société multiculturelle. Il parle couramment arabe, comme les autres enfants des rues d'Alexandrie, et en même temps, il suit les cours de l'école judaïque. Pour sa famille, aucun doute. Ce garçon si sérieux, si studieux, qui ne va pas jouer au foot avec les autres, deviendra rabbin. En réalité, Eli, qui adore la physique, les maths et aussi la photo, s'imagine plutôt ingénieur. Mais les événements politiques vont en décider autrement. En 1944, Eli Cohen, qui a 20 ans, espère ardemment la création d'un État juif en Palestine, alors sous mandat britannique, et suit avec intérêt les agissements des groupes de résistance juive, Agana, Irgun ou Stern, qui commettent des attentats contre l'armée anglaise. Le 6 novembre 1944, survient un événement qui marquera un tournant dans la vie d'Eli Cohen. Ce jour-là, au Caire, Lord Moyne, le représentant du Royaume-Uni en Égypte, est abattu dans sa voiture par deux membres du groupe radical Stern. Le sort des deux terroristes, condamnés à mort et pendus, âgés de 20 ans comme lui et portant le même prénom, bouleverse Eli Cohen, qui ne peut bien sûr s'imaginer qu'un jour, il connaîtra la même fin. Décidant alors de s'engager dans la cause sioniste, Eli abandonne ses études et, à côté d'un vague emploi de comptable, s'implique dans des actions clandestines pour favoriser l'émigration juive en Palestine. Le 14 mai 1948, le rêve d'Eli Cohen se réalise. David Ben-Gourion proclame l'indépendance d'Israël. En vertu de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous proclamons la création de l'État juif dans le pays d'Israël. État qui portera le nom d'Israël. La création d'Israël provoque immédiatement la guerre entre le jeune État et ses voisins arabes. Une guerre qui, en Égypte, va favoriser l'hostilité entre musulmans et juifs. En 1949, la famille d'Eli Cohen émigre en Israël. Eli, lui, poursuit son combat clandestin en Égypte. Gamal Abdel Nasser, l'homme fort au pouvoir au Caire, ne cache pas son hostilité à l'égard d'Israël et son souhait de nationaliser le canal de Suez, détenu par des capitaux franco-britanniques. Eli Cohen va participer à plusieurs complots, des attentats à la bombe, montés secrètement par les services secrets israéliens dans le but de brouiller les relations entre les Britanniques et l'Égypte. Eli sera arrêté deux fois par la police égyptienne, mais par chance, contrairement à ses camarades, il échappera à toute condamnation. C'est la crise du canal de Suez qui va précipiter le départ d'Eli Cohen. Le 26 juillet 1956, dans un discours fleuve, le président Nasser fait une annonce stupéfiante. Aujourd'hui, nous allons nous débarrasser de ce qui est arrivé par le passé. Le canal de Suez va être nationalisé et tous les biens de la compagnie seront transférés à l'État. Une annonce qui soulève l'enthousiasme des Arabes égyptiens, mais suscite la colère de la Grande-Bretagne, de la France et d'Israël. Trois mois plus tard, l'État hébreu envahit la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï, au nord-est de l'Égypte. Suite à la semaine de crise autour du canal de Suez, Israël envahit l'Égypte. En guise de représailles, le gouvernement de Nasser s'en prend alors indistinctement à tous les Juifs d'Égypte qui, dès le 23 novembre 1956, sont déclarés sionistes et ennemis de l'État. Un journaliste de la BBC, interviewé à la radio française quelques jours plus tard, témoigne. Allô Paris, ici Jacques Salbert qui vous parle de Londres. Eh bien ce soir, je ne suis pas venu au studio seul, je suis venu accompagné d'un de mes confrères de la BBC, Douglas Stewart, qui, il y a quelques jours encore, était en Égypte. Ces derniers temps, on a parlé de mesures très sévères prises par Nasser contre les Israélites. Est-ce que vous avez constaté les résultats de ces mesures? Yes, indeed. There has been in all towns in Egypt a roundup of Jews. Dans de cas très nombreux, les Juifs ont été parqués, ont été expulsés de leurs maisons et que leurs biens ont été confisqués. Has in many cases been confiscated. Inter, actualité. Ici Jérusalem. Les Israéliens suivent avec la plus vive émotion l'aggravation des persécutions dont sont l'objet les Juifs d'Égypte. Eli Cohen, lui-même arrêté et emprisonné, fait partie des quelques 25 000 Juifs contraints de quitter l'Égypte sans retour possible après avoir signé une déclaration où ils affirment quitter le pays volontairement et acceptent la confiscation de leurs biens. Début 1957, Eli Cohen, 33 ans, débarque en Israël avec une petite valise pour tout bagage. Il est heureux de retrouver sa famille, arrivée 6 ans plus tôt. Mais pendant plusieurs mois, nostalgique de son pays, l'Égyptien qu'il est a du mal à se faire à sa nouvelle vie et à l'hébreu qu'il ne maîtrise pas. Mais comme il est doué pour les langues, il parle déjà l'arabe, le français et l'espagnol, Eli apprend vite et finit aussi par trouver un emploi de comptable dans un grand magasin de Tel Aviv. En août 1959, il se marie avec Nadia, une jeune juive originaire d'Irak. Une femme qu'il aime, un emploi stable, un logement, bientôt des enfants, tout semble donc réuni pour une vie heureuse et sans histoire. En réalité, c'est maintenant que l'aventure, la grande, la plus dangereuse, va commencer pour Eli Cohen. Ce qu'Eli Cohen n'a pas dit à Nadia, c'est que dès son arrivée en Israël, il a postulé par deux fois au Mossad. Le combattant sioniste n'aspire en effet qu'à reprendre du service. Mais le renseignement israélien, qui n'ignore rien de ses activités clandestines en Égypte, se méfie de cet agitateur un peu trop identifiable et les deux fois choisit de ne pas donner suite. Blessé dans son amour-propre, Eli Cohen, s'il est heureux dans son mariage, s'ennuie en revanche dans son emploi de comptable. Mais en 1960, un homme se présente un soir au domicile du couple. Affirmant avoir une affaire commerciale à régler avec lui, l'homme entraîne Eli dans la rue. Eli Cohen, es-tu vraiment prêt à collaborer avec nous? Serais-tu disposé à partir en mission à l'étranger, en Europe ou dans un pays arabe? Eli, visiblement ému, acquiesce. Comment expliquer ce revirement du Mossad? Depuis 2 ans, Israël voit d'un mauvais œil la montée du panarabisme à ses portes, au nord et au sud. En 1958, en effet, l'Égypte et la Syrie ont décidé de s'unir et ne former qu'un seul État, l'État arabe uni, dirigé par un leader unique, l'Égyptien Nasser. Le voici en 1960, acclamé par la foule lors d'une visite à Damas, la capitale syrienne. Half the population of Damascus milled round the important visitor from Egypt. President Nasser could just be... L'union fera long feu en 1961. Il n'empêche, les tensions sont de plus en plus vives et fréquentes à la frontière entre Israël et la Syrie. Pour connaître les intentions de son principal ennemi et ses moyens militaires, le Mossad décide qu'il lui faut un espion exceptionnel pour une mission exceptionnelle et urgente, s'infiltrer en Syrie au cœur du pouvoir et donner l'alerte en cas de guerre imminente. C'est ainsi qu'en 1960, le dossier d'Eli Cohen est repêché dans la pile des candidatures refusées. Finalement, ce juif d'Égypte est peut-être le candidat idéal. Il parle couramment arabe. Par son physique, dit oriental, la peau mate, les cheveux crépus noirs et les yeux marrons, il peut parfaitement passer pour un Syrien. En plus, il est intelligent, intègre, doté d'une très bonne mémoire et surtout très motivé. Est-ce que vous vous considérez comme un patriote? Je sais que je ferai tout ce qu'il faut pour ma patrie. Et si, pour la servir, vous deviez quitter votre emploi, vous le feriez? Oui. Si pour la servir, vous deviez mentir à vos amis, à votre famille, à votre épouse, vous le feriez? Sans hésiter. Si pour servir votre pays, vous deviez risquer votre vie, vous le feriez? Je l'ai déjà fait. Demain matin, vous viendrez ici sans le dire à personne. Vous commencerez à travailler avec moi et mon équipe. Le lendemain soir, Eli rentre chez lui et annonce à son épouse, qui vient d'accoucher d'une petite fille. Je quitte mon travail au grand magasin. J'ai trouvé un emploi plus important dans une entreprise commerciale. Et Eli Cohen ajoute cette phrase en apparence anodine. Je serai sans doute obligé de temps en temps de partir en voyage à l'étranger. Si Nadia ne pose pas de questions sur la nature de cette entreprise commerciale, quelques jours plus tard, en revanche, elle s'étonne de voir son mari se laisser pousser la moustache, lui qui a toujours détesté ça. Nous sommes en 1960, Eli Cohen vient d'être embauché par le Mossad et entame sa formation accélérée. En 6 mois, il apprend tout ce qu'un espion doit connaître. Filature, fausse identité, usage des postes émetteurs. Avec en plus, pour lui, un apprentissage complet de l'islam pour faire de lui un parfait musulman. En novembre, on lui révèle sa nouvelle identité et sa légende. Ton nouveau nom sera Kamal Emin Tabes. Tu es fils d'une famille syrienne. Eli Cohen apprend enfin que la destination finale de sa mission sera la Syrie. Un pays où il n'a bien sûr jamais mis les pieds, mais auquel il va se familiariser en apprenant son histoire, sa géographie, son actualité. Autre détail qui n'en est pas un, Eli, qui parle couramment l'arabe d'Égypte, prend des cours pour s'initier au vocabulaire et à l'accent de l'arabe syrien. Mais avant la Syrie, notre espion devra séjourner à Buenos Aires, en Argentine. Pour justifier le fait que personne ne le connaît en Syrie, le plan du Mossad est astucieux. Kamal Amin Tabes, s'il est syrien d'origine, n'y a jamais vécu. Depuis son enfance, il fait partie de l'importante diaspora syrienne en Amérique latine. Quand tu étais jeune, ta famille a émigré en Argentine, où ton père est devenu propriétaire d'une grosse usine textile. À sa mort, tu as repris l'affaire, qui est aujourd'hui une des plus prospères d'Amérique latine. L'idée est qu'une fois arrivé discrètement en Argentine, Eli Cohen, alias Kamal Amin Tabes, établisse des contacts avec les Syriens de Buenos Aires, qui l'aideront ensuite à s'implanter quand il partira à Damas. En janvier 1961, arrive le jour du grand départ. Après avoir dit au revoir à sa femme et à sa fille, il part, dit-il, en voyage d'affaires pour quelques mois, Eli Cohen s'envole dans un premier temps pour Zurich. Là, un agent du Mossad le prend en charge pour assurer sa métamorphose. Il lui ouvre un compte en banque suisse, une boîte postale où il pourra envoyer des lettres à Nadia, lui achète de nouveaux vêtements, lui remet un billet d'avion et un vrai faux passeport argentin. Délesté de ses habits israéliens, c'est un homme nouveau et désormais seul avec sa mission qui s'envole pour Buenos Aires en février 1961. À peine quelques semaines après son arrivée à Buenos Aires, Eli Cohen se mêle à la communauté des expatriés arabes de la ville. C'est ainsi qu'il se lie d'amitié avec un vieux Syrien, Abdul Latif Al-Heshan, rédacteur en chef d'un journal arabe en Argentine. Eli Cohen lui confie qu'il en a assez de vivre en exil, qu'il souhaite partir dans la patrie de ses ancêtres et de son cœur, la Syrie, pour y vivre et y faire des affaires. Se prenant de sympathie pour le jeune homme, le vieux Syrien lui promet qu'à son départ, il lui fournira des lettres de recommandation. Eli Cohen devient rapidement aussi un habitué des soirées mondaines à l'ambassade de Syrie. C'est là qu'un soir, il fait la connaissance de l'attaché militaire, un certain Amin El-Hafez, membre du BAS, un parti arabe d'inspiration socialiste et nationaliste. Amin El-Hafez, le même qui, 2 ans plus tard, à la suite d'un coup d'État, deviendra l'homme fort en Syrie. Le même aussi qui, un jour, condamnera à mort l'espion Eli Cohen. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'heure, à Buenos Aires, Eli use de tout son charme et de son ardeur pro-basse pour séduire l'attaché militaire syrien. Je reste persuadé que notre pays aura un avenir radieux. Pour ça, il n'y a qu'un seul parti qui peut nous aider à avancer. Le parti basse. Et c'est d'ailleurs pour ça que je veux aller là-bas. Et que je veux consacrer mon temps, mon énergie et mon argent à faire en sorte que la Syrie regagne sa stature et la place qu'elle mérite dans le monde. Nous devrions éviter de parler de ces sujets en public. Il y a des gens qui pourraient nous écouter. Eli Cohen saura tirer profit de cette rencontre quand un jour il sera à Damas. Amin El-Hafez, lui, niera toujours avoir connu l'espion israélien en Argentine. En mai 1961, le Mossad, satisfait du travail de son agent, juge qu'il est prêt à partir. Muni de lettres de recommandation, Eli Cohen quitte l'Argentine à la fin de l'été, après quelques mois passés chez lui à Tel Aviv avec sa femme et sa fille, et le temps de concevoir un nouveau bébé, l'heure est enfin pour lui d'accomplir le grand saut, partir en Syrie. Entre-temps, un événement capital change la donne, l'éclatement de la République arabe unie. La Syrie se débarrasse de l'emprise de l'Égypte de Nasser, mais en même temps, elle entre dans une longue période d'instabilité politique qui sera bientôt favorable aux parties basses. Fin décembre 1961, alors que son départ pour la Syrie est imminent, Eli Cohen est étonnamment calme et confiant dans sa mission. Trop peut-être, se demanderont plus tard ses supérieurs. Le voyage pour la Syrie est un périple compliqué, via l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, d'où, à Gênes, il embarque sur un paquebot à destination du Liban. Dans sa valise, l'agent secret transporte un objet insolite, un mixeur électrique en plastique, en apparence banal, mais au fond duquel est dissimulé un poste-émetteur miniature, un gadget d'espionnage du dernier cri qui sera très utile à Damas quand Eli Cohen devra transmettre ses renseignements au Mossad. Sur l'Astoria, le paquebot qui, à travers la Méditerranée, le conduit au Liban, Eli Cohen, qui a repris son rôle de Kamal Amin Tabes, a pour mission de lier connaissance à bord avec un voyageur syrien, le cheikh Magdal Ard, un grand propriétaire terrien. Eli Cohen l'invite à sa table et, avec son bagou habituel, lui déroule son histoire. Comment il a quitté l'Argentine pour rentrer en Syrie pour y faire des affaires et prendre part aux changements politiques de sa chère patrie. Sous le charme, le vieux cheikh, dans un élan d'hospitalité orientale, lui propose de l'aider. Je ne connais absolument personne à Damas. Ma maison est ta maison, mon ami. N'aie aucune crainte en ce qui concerne tes premiers pas à Damas. Dès notre arrivée, considère-toi comme mon hôte. J'ai acheté une voiture lors de mon séjour en Europe, une Peugeot 404. Elle est avec moi sur le bateau. Victoire ! Le vieux cheikh syrien, en un instant, vient de mordre à l'hameçon lancé par Eli Cohen. Et c'est ainsi que, quelques jours plus tard, notre espion israélien, avec dans sa valise le mixeur post-émetteur, réussira sans encombre à traverser la frontière libano-syrienne dans la 404 d'un honorable citoyen syrien. Et il arrive à Damas le 10 janvier 1962. Dès son arrivée à Damas, Eli Cohen se met en quête d'un appartement pour y loger et pour y établir le bureau de sa pseudo-florissante affaire d'import-export qui lui sert de couverture. Acheter et exporter des meubles et des objets d'artisanat syrien. Eli finit par trouver un appartement luxueux rue Abu Roumaneh, dans le quartier résidentiel des diplomates et surtout juste en face de l'état-major syrien. Une position idéale pour surveiller chaque jour les allées et venues des troupes et des officiers. Le premier soir, après avoir fermé volets et portes d'entrée à double tour, il sort de sa valise le fameux poste radio miniature caché dans le mixeur et envoie ses premiers messages codés au Mossad. Damas, jour 5, bien arrivé, face à l'état-major. Ses supérieurs à Tel Aviv ne peuvent être que satisfaits de ce début prometteur. Rapidement aussi, Eli Cohen met à profit les lettres de recommandation obtenues à Buenos Aires. C'est ainsi qu'il entre en contact avec Mazi Zaher Eldin, qui est ni plus ni moins le neveu du commandant en chef de l'armée syrienne. Très vite, grâce à ce jeune officier qui est devenu son ami, Eli Cohen obtient des renseignements de première main sur l'état d'esprit dans l'armée, les rumeurs de coup d'État, la situation militaire à la frontière entre la Syrie et Israël, sur le plateau du Golan et le lac Tibériade, lieu de fréquents accrochages entre les deux armées. Pour donner le change, Eli Cohen ne rate jamais une occasion de dire tout le mal qu'il pense des Juifs. Et un jour, il exprime à son ami, Mazi, son désir d'aller voir de ses propres yeux l'ennemi sioniste. Hélas, lui répond le jeune officier, c'est une zone de haute sécurité interdite aux civils. Mais un jour de mai 1962, Mazi lui fait la surprise de l'emmener visiter les positions fortifiées syriennes qui surplombent Israël. Étonnante sensation pour Eli Cohen de contempler son propre pays depuis celui de l'ennemi. Le lac de Tibériade. Dans toute sa splendeur. Et en face, c'est Israël. C'est juste à côté. La terre la plus fertile qui soit, vois-tu ? C'est quoi, ça ? Oh, c'est notre nouvel accord avec les Soviétiques. Khrouchtchev nous fournit beaucoup plus d'armes qu'il ne veut bien l'avouer au monde. Et c'est quoi ? Ce sont des mortiers de 120 mm. Et crois-moi, même les Israéliens n'ont pas ça. Yalla ! Des mortiers soviétiques. L'espion enregistre dans sa tête tout ce qu'il voit. Et le soir même, de retour à Damas, il en informe le Mossad. Dans la nuit, ces messages chiffrés sont immédiatement transmis à l'état-major de l'armée israélienne. On dit que les renseignements fournis par Eli Cohen sur les positions militaires syriennes joueront un rôle décisif bien après sa mort lors de la guerre des Six Jours en 1967. Au fil des mois, Eli Cohen, si sympathique, si sociable, élargit considérablement son cercle d'amis. Surtout que dans son grand appartement, le pseudo-homme d'affaires organise régulièrement des soirées où se presse le gratin politico-militaire de Damas. Masculin, bien sûr. Aux frais du Mossad, le cognac et le whisky coulent à flot, des prostituées en mini-jupe dansent des slows et finissent de délasser les plus récalcitrants. Dans ces soirées qui se terminent souvent en orgie, forcément les barrières tombent et les langues se délient. Eli Cohen, lui, reste sobre et chaste, mais il ouvre grand les oreilles. C'est ainsi, par une indiscrétion, qu'il apprend début 1963 qu'un coup d'État militaire se prépare. Le renseignement, transmis à Tel Aviv, se révèle exact. Le 8 mars 1963. Inter-actualité. En Syrie, l'armée balaye l'équipe au pouvoir. La Jordanie se sent menacée, or si la menace se précise, Israël sera entraîné. Entraîné dans quoi ? Eh bien, il faut dire que la guerre éclate facilement là-bas. Un coup d'État qui porte au pouvoir le parti Baas et du même coup, une vieille connaissance d'Eli Cohen, Amin el-Hafez. l'ex-attaché militaire de l'ambassade de Syrie à Buenos Aires qu'il avait rencontré en Argentine. C'est lui qui, quelques mois plus tard, devient l'homme fort du pays, celui qui désormais va diriger d'une main de fer la Syrie. Notre espion s'empresse de lui faire porter une énorme boîte de bonbons pour le rappeler à son bon souvenir. À partir de l'été 1963, Eli Cohen devient un proche du nouveau président, un conseiller occulte, mais aussi un généreux donateur, un chèque de 10 000 dollars pour le parti basse et pour Madame Elafez, un manteau de fourrure. Mais pour obtenir de bons renseignements, il faut savoir parfois y mettre le prix. À cette époque, la principale mission d'Eli Cohen est d'informer Tel Aviv des projets syriens de détournement des eaux du fleuve Jourdain. Une question vitale pour Israël, comme le souligne le vice-ministre de la Défense d'alors, Shimon Peres, qui compare le Jourdain à notre fleuve français du Rhône. Monsieur le ministre, considérez-vous les travaux de détournement des eaux du Jourdain entrepris par les Arabes comme un acte d'agression? Oui. Comme vous savez bien, le problème de eau pour nous, c'est le problème plus important que nous avons. Nous n'avons pas beaucoup de rivières, nous n'avons pas beaucoup d'eau. C'est extrêmement essentiel pour le développement des pays. Imaginez-vous, si par exemple la Suisse prenait les eaux des Rhônes, quelles seraient les réactions dans la France? Un tel détournement aurait pour conséquence d'assécher le lac Tibériade, la principale réserve d'eau d'Israël. Notre espion découvre que l'entreprise en charge du projet syrien est saoudienne, dirigée par un certain Mohamed Ben Laden, le père d'Oussama, le futur chef d'Al-Qaïda. En 1964, grâce aux renseignements fournis par Eli Cohen, les canaux en cours de construction sont bombardés par l'aviation israélienne. Mais à Damas, l'espion Eli Cohen a une autre mission. Retrouver le nazi Alois Brunner, l'ancien bras droit d'Adolf Eichmann, le maître d'œuvre de la dite solution finale. Brunner, lui-même, est considéré comme responsable pendant la Seconde Guerre mondiale de la mort de 130 000 juifs. Après la guerre, échappant à la justice, il s'est réfugié en Syrie, où en échange de la protection du régime, pendant des dizaines d'années, il partagera son savoir-faire nazi pour former les services de renseignement syriens. C'est grâce à Eli Cohen que le nazi est localisé à Damas. Une lettre piégée envoyée à son adresse vaudra à Alois Brunner d'être blessé au visage et de perdre un œil. Mais il survivra à la tentative d'assassinat, et pour longtemps. L'année de sa mort est incertaine, sans doute en 2001 à Damas. En 1963 et 1964, Eli Cohen n'a jamais été aussi proche du cœur du pouvoir syrien. Et jamais il n'a autant renseigné le Mossad. Chaque soir, vers 20h, il sort le poste émetteur caché dans le lustre du salon et transmet à Tel Aviv, sans toujours respecter les règles de sécurité, trop fréquemment et souvent plus des 2 minutes réglementaires. Mais comment le Mossad pourrait-il se passer de son meilleur espion ? Le 18 janvier 1965, à 8h du matin, survient le pire qui puisse arriver à un espion. La porte d'entrée de l'appartement d'Eli Cohen vole en éclats. Une dizaine d'hommes de la sécurité syrienne fait irruption dans sa chambre alors qu'il est en train de taper sur son poste émetteur. L'espion n'a même pas le temps de cacher l'appareil ou d'avaler sa capsule de cyanure. Interrogé pendant des heures par le chef du renseignement syrien, Eli Cohen, un revolver sur la tempe, est contraint de transmettre un message au Mossad. Un message en apparence normal, mais où il réussit à changer légèrement son toucher. À l'autre bout, au Mossad, c'est la consternation. Leur meilleur espion vient d'être démasqué et arrêté. Pendant plusieurs semaines, Eli Cohen, interrogé et torturé dans une prison militaire, ongles arrachés, testicules électrocutés, finit par révéler sa véritable identité et donc le fait qu'il est israélien. Le pouvoir syrien, humilié d'avoir été si longtemps berné, est sous le choc. Et en premier lieu, le chef de l'État, Amin El-Hafez, qui lance une véritable chasse aux sorcières à Damas pour arrêter d'éventuels complices de l'espion, en réalité bien imaginaires. Aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement comment Eli Cohen a été démasqué. Sans doute, ces transmissions radio, trop répétées et trop longues, ont été repérées par les Syriens grâce à de nouveaux équipements de détection fournis par l'Union soviétique. Peut-être aussi l'espion a-t-il éveillé les soupçons par ses dépenses somptuaires et ses questions insistantes sur la présence de nazis en Syrie. Jusqu'à l'ouverture du procès, Damas laisse croire au gouvernement israélien qu'il pourra obtenir la grâce d'Eli Cohen par l'échange d'espions syriens emprisonnés ou en leur fournissant des médicaments ou du matériel militaire, voire un chèque de plusieurs centaines de millions de francs de l'époque. Mais à la dernière minute, au procès, c'est la ligne dure qui l'emporte à Damas. Sans l'assistance d'un avocat, Eli Cohen est condamné à mort et pendu le 18 mai 1965 à 3h du matin devant des milliers de personnes sur la place des Martyrs à Damas. Eli Cohen a été pendu ce matin à Damas, en plein centre de la ville. De Jérusalem, notre correspondant André Semama. L'annonce de l'exécution d'Eli Cohen a provoqué une très vive émotion dans toutes les couches de la population israélienne. La presse de midi publie la nouvelle sous d'énormes manchettes et des groupes se forment dans la rue pour commenter l'événement. Dans le public, l'indignation est extrême car en Israël, où la peine de mort n'est pas appliquée, aucun espion arabe n'a jamais été exécuté. Le ministère des Affaires étrangères exprime son indignation devant l'exécution d'un citoyen israélien mis à mort après une parodie de procès où les droits les plus élémentaires de la défense ont été bafoués. Dans aucun pays civilisé, un citoyen étranger n'est exécuté pour espionnage en temps de paix. À vous Paris. Eli Cohen est mort seul, sans même savoir que le gouvernement israélien et sa famille s'étaient mobilisés pour lui. Il a eu le temps d'écrire une dernière lettre à sa femme. Je te prie, Nadia, de me pardonner et de prendre soin de toi et de nos enfants. Je t'engage également à te remarier et à penser toujours à l'avenir. À vous tous, mes derniers baisers. Et shalom. Eli Cohen, 18 mai 1965. Nadia Cohen élèvera seule ses trois enfants et ne se remariera jamais. En 2021, elle espérait toujours la restitution de la dépouille de son mari et continuait d'accuser le Mossad de ne pas avoir assez protégé le meilleur de ses espions. Espion, une histoire vraie, de Stéphanie Duncan, est un podcast original de France Inter.